Parce que l'économie, c'est une science de la rareté. C'est ça de l'économie. Si on regarde, si on déconstruit le mot, au niveau là, de la philologie, c'est une science de la rareté. Donc, c'est de la gestion, mais au sens, ça commence à devenir subtil. C'est pas normal qu'on spécule sur des patates plus qu'on en plante. Il y a même des patates papier, c'est pas normal, ça. T'essaieras de manger ça. Tu sais, je veux te dire, comment quelqu'un aurait acheté de la patate papier, puis à un moment donné, il arrive, il dit, bon, ben, j'ai acheté tant de patates papier, puis là, finalement, j'ai vu, livrez-moi ça, puis il n'y en a pas.